Sinistros et moi discutions la nuit dernière à propos de réanimation. Nous avons émis quelques questionnements à savoir comment pourrions-nous améliorer la formule de notre émission pour le retour en septembre. Devons-nous prendre une tangente plutôt qu'une autre, ou bien apporter des segments plus variés et spécifiques? Sinistros a même proposé d'avoir une portion polka et même une chronique sur l'artisanat. Bref, une grande remise en question, mais pas toujours à propos par contre. Après avoir tergiversé pendant un bon moment, soit 5 secondes, nous nous sommes peut-être même dit qu'il faudrait être plus protocolaire et sérieux dans notre approche. Mais que pour ce faire, le cas échéant, la seule façon de vous présenter ce genre d'émission était que Sinistros et moi soyons remplacés. Nous avons donc pris la décision suivante. Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Voici réanimation. Et c'est bien pire. Et le demeurera d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque ces deux têtes brûlées bizarroïdes se complaisent uniquement dans tout ce qui est non conforme, et pire encore. Priez pour survivre jusqu'à l'automne, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, because he and I said so. Mini Retro Undead. Let's go. Yeah! Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 22 mai de l'heure de disgrâce 2018. C'est la dernière, n'est-ce pas, Sinistros? Eh oui, c'est la dernière fois que t'en vois paître les gens, du moins pour cette saison. Pour environ 3 mois. Ouais, c'est cela. Non, ce n'est pas la dernière définitivement. Et il faut, je le disais, en fait, c'est la 3e ou 4e année que cette pause-là a lieu. Et je le dis spécifiquement toutes les fois, je le répète, ce n'est pas la dernière émission de Réanimation, c'est la dernière de la saison. Ce qui veut dire qu'on va revenir à la mi-juin. Et non, ça va être à la mi-septembre. Ouais, sur la date en septembre, on la connaît jamais vraiment à l'avance. C'est toujours en conséquence de quelles seront les participations des Aigles de Trois-Rivières au niveau des séries, s'ils les font ou non. Alors, si les Aigles sont hyper performants cette année et qu'ils se rendent loin dans la série, ben ça se peut qu'on revienne pas du tout. Ouais. Disons que c'est pas comme les billes, ça là, ça se pratique pas à longueur d'année. Non, on va revenir indéniablement. En décembre, genre. Ben, je suppose que ça pourrait aller peut-être jusqu'à la fin septembre, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, normalement, si je me fie aux années dernières, c'était dans le bout peut-être de la mi-septembre, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ce soir, ce qu'on fait comme dernière émission, Sinistros et moi, c'est qu'on vous a préparé une mi-rétro Undead, c'est-à-dire qu'on est pratiquement arrivé à la moitié de cette année 2018, et on a décidé, c'est pas vrai, on n'a pas décidé, j'ai imposé ça, effectivement, de présenter ce qui, respectivement, jusqu'à présent, avait retenu notre attention. Bon, ici, il faut mettre une bémol parce que j'espère que tu vas être d'accord avec moi. Il y a pas énormément de choses sur lesquelles on s'est tiré à plat ventre pour dire « Oh, c'est l'extase totale! » Quelques-uns, Quelques titres. C'est pas comparativement à 2017. Disons que 2018 fait très pâle figure cette année. Ben probablement que ce qui va se passer, c'est que... Ça va tout sortir à partir de là. Probablement. Parce que là, j'ai vu ce qui s'en venait bientôt, puis là, il y a des grosses sorties qui s'en viennent. C'est ça. Donc, on va quand même faire un survol de ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à, disons, avril-mai, là, si on veut. Là. Mais tu parlais d'une bémol. Bémol. Une bémol, est-ce que c'est un petit fruit pourri ou... Oui, c'est le fruit passé date, elle est rendue molle. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben finalement, t'es pas si fou que ça, toi. Pas si pire, Non, non, non. Il des fois, encore, des fois. Moi, je pensais qu'il te restait juste une cellule, celle qui te permet d'aller à la litière, mais non, t'en restes deux. Ben, une, ouais, une demi maintenant. Comme premier bloc, c'était trois de mes premiers choix. Moi, je les ai mis en ordre de sortie. Sinistros, tu n'as rien compris de ça. Là, mais... Non, j'avais compris le principe, mais j'ai voulu faire mon rebelle. Alors, Ben, ça, comme toujours, d'habitude. Oui. Hein? Donc, ce qu'on vient entendre à l'instant, juste avant cette première intervention, c'est la formation de Finlande et Helsinki. Helsinki, là, c'est un bassin pour le métal. Hein? Beaucoup, beaucoup de formations qui viennent de là. Donc, Hooded Menace... Et la pièce In Airy Deliverance qui est tirée de leur 5e album, pardon, Osarium Silhouettes Unhallowed, qui est paru le 26 janvier dernier sur Season of Mist. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album-là et définitivement, à moins d'un revirement de situation extraordinaire, il va faire partie 99,9% des chances de mon top 10 2018. Juste avant, nous avions une formation des plus bizarroïdes. Une formation qui nous vient du Queensland en Australie. Portal, formation dite de Experimental Death Metal, et ça porte excessivement bien son nom, avec la pièce Phantom qu'on retrouve sur leur 5e parution Iron, qui est parue le 26 janvier dernier également, sur Profound Glory. Formation qui existe depuis 1994, et qui sont très théâtrales et très scéniques. Semble être habillé un peu à la Goule des Ghosts, si tu veux. C'est bizarre un peu. Ouais, ben, c'est pas juste bizarre au niveau de l'allure, mais... Musicalement ouais, aussi. Ouais, c'est très, très chaotique. Ça donne l'impression que c'est complètement déstructuré, mais c'est pas vrai. C'est très chaotique, oui, j'en conviens, mais c'est une musique qui a une structure qui est très, très présente à l'arrière, mais il faut évidemment aimer le genre pour s'ouvrir à cette forme de musique-là qui est, ma foi, tu l'as dit, fort particulière. On a ouvert avec la formation de Montréal, Vanta Black Warship, et leur premier album complet, Abrasive Pulmonic Speed, qui est paru le 26 janvier également, donc un bloc dédié au 26 janvier. De façon indépendante, la pièce étant Another Dead Rockstar, la pièce qui ouvre l'album. Écoute, personnellement, je trouve que c'est un... C'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. On les qualifie de Death Trash, je suis pas vraiment d'accord. Je te dirais qu'il y a énormément de stoner dans ce qu'ils font. Il y a des influences doom, peut-être trashy. Mais de là à dire que c'est du death, je suis pas vraiment convaincu. Quoi qu'il en soit, c'est un album que j'ai bien aimé depuis sa parution. Tu devais avoir entendu, j'imagine, l'entrevue que Tower avait fait avec... Effectivement. Avec... quel est son nom déjà? Je vais te le dire... Vas-y, t'es capable. Est-ce que c'était Curtis Clifford? Je me rappelle pas. Peu importe. C'est une bonne entrevue. Les gars, je trouve qu'il y a une façon intéressante de concevoir leur musique. T'expliquais Helsinki, c'était un gros bassin métallique. Bah, tu vas me dire que c'est une chaudière, finalement? Ben oui, si on compare ça, c'est Montréal dans notre top de ce soir avec 4 au lieu de... Alors, Montréal est un plus gros bassin qu'Helsinki. Bon, pour ce soir, j'en conviens. Puis on a Stockholm deux fois. Bon, OK, si donc, tu veux jouer sur cette moyenne. Tu racontes n'importe quoi. Ben, comme toujours, évidemment, à quoi tu t'attends? Donc, il y a un groupe à Helsinki, il y en a 4 à Montréal. Non, moi, j'ai abandonné. Il n'y a plus rien à faire. Sinistros? Oui. You're fired. Je sais que je suis en feu, yes. Bon, en plus, apprends l'anglais, s'il vous plaît. Une seule présentation ce soir qui est de ma part un petit survol d'une pièce sur le nouvel album de Skinless. J'en parlerai tout à l'heure. Mais là, c'est Sinistros qui va nous présenter ses premières retenues. Mais ça va être après la pause, par exemple. Oui, t'as raison. Là, je regarde ça, ses premières retenues. Non, avril, mars, là. Moi, j'y vais. Ouais, tout de suite. C'est comme les services de santé. Titi, titi, titi. Donc, tu y vas pas. Non. Pause. Donc, moi, si je joue pas, ça va faire. Oui, effectivement, ça ressemble à c'est la réalité. Ça va en pause. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Machine à remonter le tympan. Votre émission consacrée aux musiques pré-rock, folk, country et blues. Tous les dimanches à 18h à C'est Fou 89,1. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est Fou 89.1. Bon, 19h27, Sinistros, tu nous as préparé quelque chose à l'emporte-pièce. Oui, et pourquoi je n'ai pas choisi d'y aller selon les dates de sortie comme toi t'as décidé? J'ai voulu y aller par thème. Par thème, ça veut pas dire que j'aimais ça, là. Mais non, c'est pas tout, non, c'est vrai que t'as... Oh! Petoutis! Je vais t'acheter un snare avec un Hayat. Ah, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. D'accord. Puis si j'aime ça, est-ce que tu vas acheter le complément après? Non. Ah. Toi, tu vas jouer du rockabilly. Bon, comme oui. Les Stray Cats. D'accord. Tout. Alors, oui, j'ai décidé d'y aller avec des blocs, avec des bandes qui se complétaient selon ce que j'ai dit. Non, je comprends ça. C'est un peu niaiseux, mais bon. C'est pas grave. Les auditeurs ne savent pas ça. Maintenant, oui. OK. on va y aller avec deux formations montréalaises. Ben oui, tout à fait. Et trois formations en tout qui se complètent pour leur sonorité très technique et très de composition vraiment capotée et incroyable. Deux bandes que tu as présentées à l'émission, il n'y a pas tant de temps que ça. Ben même trois finalement. Parce que le troisième aussi, je l'ai présenté. Oui, il y a un peu plus longtemps. Ouais. Mais... On va voir Augury de Montréal avec l'album Illusive Golden Age, qui est présentement l'album numéro 1 d'Hurlemort à ce jour, ben, écoute, de 2018? J'ai discuté avec DJ Tower et puis je pense que lui aussi, c'est pas mal dans ses retenues des numéros 1 jusqu'à présent. Là. Ça fesse quand même pas mal. On va entendre la pièce Carry On Tide. C'est paru le 30 mars dernier sur The Artisan Era. Mais c'est vrai que cette qualité professionnelle. C'est hot, c'est hot. Autre formation montréalaise, Magister d'Exit, qui donne dans un black metal très symphonique et très haut en couleur. Oh, en couleur. Ben oui, il y a un peu moins de noir. Eux autres ont dit ben ouais, okay, un peu plus de, ils ont mis un peu plus de gris. OK, OK, c'est correct. Oui. On va entendre la pièce Warsaw Uprising. C'est sorti sur le nouvel album Their Blood, Their Sweat. Et de, tu n'as pas rajouté ce qui était écrit après, en tout cas. Their Blood, Their Sweat, Their Tears. Tears. Ouais. Je suis obligé de lire tes affaires. Ben, c'est long. Hein, ben, c'est sûr. C'est long. Pourquoi, au bout de trois lettres, moi, je m'attarde de taper. Là. Ben oui, mais tu n'as rien qu'à faire copy-paste dans mes affaires. C'est moins compliqué. Comment ça marche, ça? 25 avril 2018 sur Scum Production. Et on va terminer le bloc avec un autre groupe très technique qui vient de Pennsylvanie, Rivers of Nihil. Oui, ça c'est peut-être la retenue du Rockmaster jusqu'à présent. Ben, des albums qui retenus. Ça aussi, ça fait ça. C'est vraiment incroyable. Avec l'album Where Owls Know My Name, on va entendre la pièce Home. C'est les amateurs de Death... Pré-colombien. Oui, pré-colombien, c'est ça. Tu as des petits sons... C'est très avant-gardiste comme death metal. C'est beaucoup, il y a beaucoup de mélodies, mais en même temps très très brutal. Puis t'as un niveau de technicité. Mais toi Sinistros, là, j'ai une question à te poser. Je connais la réponse, mais c'est pour les bénéfices de notre auditeur. Est-ce que tu penches plus vers la musique qui est mélodique en général? Ben, j'aime un peu des deux. Okay. Tu sais, c'est comme tous les extrêmes à un moment donné, quand c'est bien dosé, c'est correct. T'sais. Ça peut tomber ultra brutal. À un moment donné, moi, ça vient que ça me tape ses nerfs. Là, c'est du flow de notes pour rien. Okay. Si par exemple, un groupe comme Obscura, ouais, qui est dans le super technique, mais qui offre rien d'intéressant. Là, c'est juste du technique pour du flashing. Le trop mélodique, c'est pas mieux non plus, parce que tu tombes dans le mielleux. Là, Children of Bodom, puis des gugus d'or. C'est très mielleux, puis c'est très bon. Fait que une bonne dose de tout, c'est quand même cool. Là, OK. Mais tu vas probablement être d'accord pour dire que... non, tu seras peut-être pas d'accord, mais finalement. Mais moi, ce que je crois, c'est que la mélodie dans le métal, j'aime plus ou moins ça, honnêtement. Ça dépend à quoi. Je préfère la mélodie dans le rock. Dans le rock, je trouve que c'est essentiel. Mais moi, j'aime mieux la mélodie du bonheur. Va donc te coucher, toi. Essaye d'avoir une conversation intelligente avec. Oublier ça, c'est impossible. Là. Ça dure 30 secondes, mais c'est indéniablement, ça dérape. Ça dépend, tu sais, comme Candlemass, tu sais... Ben, c'est très mélodique, Candlemass. Mais oui, mais en même temps, c'est pas si mélodique que ça. Ben, c'est parce que le contexte... C'est des riffs attaqués, tu sais, c'est... Oui, mais le contexte est sombre. C'est ça. Si on prend, par exemple, Accept, il y a des albums d'Accept que je trouve fort corrects, là. Je te dirais, je suis pas un grand fan d'heavy metal, point à la ligne, là. Mais il y a des riffs qui sont très mélodiques, mais en même temps, qui ont une grosse attaque. Oh, là, oui, c'est ça, une grosse attaque. Mais par contre, si je fais le comparatif avec... c'est des gens pleins de talent, j'en conviens, mais Iron Maiden, principalement depuis que Bruce Dickinson est là, moi je trouve que c'est beaucoup trop mélodique pour ce que je peux apprécier, parce qu'il n'y a que ça de la mélodie là-dedans, là, tu sais. Je trouve que ça perd justement un peu de sa méchanceté. Là, donc, t'as rien dit que t'aimes pas le power metal? Vraiment pas. Moi non plus. Non, non, j'aime vraiment pas le power metal. Mais quoi qu'il en soit, du power metal, on va en entendre à peu près presque pas ce soir, mis à part une pièce qu'il y a, puis encore là, c'est borderline. Mais pour l'instant, allons-y avec les choix de Sinistros, qui sont dans l'ordre. Augury, Majestad Exit et Rivers of the Hill. There we go, let's go. Yep. 19h49. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de ce Sinistros et ce Docteur, et ça jusqu'à 21h. Faut que je t'avoue quelque chose. OK. T'es vraiment le roi des clowns. Non, c'est pas vrai. C'est bon, ça. C'est pas ce que je voulais dire. T'es vraiment le roi des tartes, c'est ça. Bon. Oui. À la pomme avec de la quatico et à la vanille. Mais hey, je savais que tu... Moi, je préfère aux fraises, honnêtement. Ben, c'est très bon aussi. Oui, c'est vrai. Fraises et rhubarbe. Oui, ça, c'est excellent. Oh, c'est excellent. Bon, on pourrait en parler longuement. Oui. Mais ça ne dit pas. Ceci n'est pas le but de l'émission, finalement. Je dois te dire que Rivers of the Hills, c'est pas un album sur lequel j'ai vraiment accroché. Mais par contre, avec la discussion qu'on avait hors onde, c'est très intense. Oh, oui, c'est intense. C'est très, très intense. Il y a quelque chose qui s'en dégage. Je ne sais pas si tu as remarqué, selon notre programmation des 6 premiers mois, on a choisi majoritairement, et même très, très majoritairement, des groupes de métal, ce que je peux appeler intelligent. Ça veut-tu dire que nous autres, on a été assez intelligents pour les choisir? Entre autres. Ah, ben là je suis d'accord avec toi. Non, je parle de métal qui est fait de façon un peu différente, puis qui sort un peu des sentiers battus. Ben c'est sûr, Sinistros, que... tu sais, si on avait dédié l'émission au trash metal, on aurait peut-être fait le tour il y a longtemps, là. Puis on aurait peut-être été très redondant et voire peut-être même assommant par moment, parce que le trash étant ce qu'il est, en fait, ce qu'il est devenu, ben, justement, le tour de la question est fait, puis il n'y a plus grand-chose à en espérer. Il y a du trash maintenant qui est devenu un peu plus intelligent avec des bandes comme Vector ou Droid. Ouais, mais là, on tend vers le progressif tranquillement. Il y a des trucs très intéressants. Ouais, c'est ça. Donc, Rivers of Nihil. Oui, Rivers of Nihil, la formation américaine qui ont sorti un nouvel album en 2018 qui s'appelle encore Where Owls Know My Name. J'imagine, oui. C'est sorti à l'époque, il y a très longtemps, le 16 mars, sur Metal Blade. On a entendu la pièce A Home. Les amateurs de métal très technique, très intense, mais aussi avec des éléments un peu plus jazzy, un peu plus flyés, devrait se retrouver dans un album comme ça. C'est vraiment différent de ce qu'ils ont fait avant. Délaisser le côté dette pour faire du dette, là. Fait qu'ils ont exploré d'autres facettes beaucoup plus progressives aussi en même temps. C'est très intéressant. Ben, je pense que les bands, éventuellement, doivent faire une prise de conscience, puis c'est-à-dire que le cercle peut rapetisser, là, évoluer tout le temps la même chose. Ben, c'est sûr, à un moment donné. Puis, tu sais, je sais pas si t'es comme moi, en tant que musicien, moi, j'aime ça, aller chercher des vieilles racines, mais aussi, tu sais, des... Ben, moi, j'aime mieux les manger, les racines, là, oui, généralement. Ça, c'est par... Ouais, c'est ça. C'est les pissenlits que tu manges par la racine. Là, ben, j'ai arrêté. OK. Non, mais tu sais, aller chercher les sonorités issues de d'autres trips, d'autres... tu sais, puis pas avoir peur aussi d'aller chercher les sonorités issues d'instruments autres que l'éternelle guitare et l'éternelle bar. Ben, c'est sûr que quand on parle d'aller chercher, exemple, des instruments dits plus traditionnels dans le métal, moi, quand je parle traditionnel, je parle pas de cuivre ou quoi que ce soit, là. Je parle plus de d'accordéon ou de trucs du genre. Je suis un peu moins partant, honnêtement, là. Mais par contre, côté symphonique, bien amené, ça peut sonner vachement bien. Puis si on prononce le mot clavier... Ah non, moi je suis un fan de clavier. Oh, je sais. Mais écoute, tu sais, toi puis moi, je sais qu'on est des amateurs de Hammond, le B2 et compagnie, B3. Ben, on est aussi des amateurs de grosse musique industrielle, tu sais. Ouais. Nous autres, les claviers, ça nous fait vraiment pas peur. Non. Mais tu sais, amener dans le métal, une passe de B3, pour moi, c'est comme wow, t'as compris quelque chose. C'est en plein ça. Mais ça, faut sortir des paradigmes pour c'est ça. C'est en plein ça. Ben oui. On a eu Magister d'Exit, Black Metal Symphonique de Montréal, avec la pièce Warsaw Uprising sur l'album Their Blood, Their Sweat. Il sonne bien, cet album-là. C'est pas ma tasse de thé, là, ce qu'ils font, là, mais je trouve qu'il sonne bien, ça l'album. Ça sonne très bien. Très bonne production. C'est paru le 25 avril sur Scum Production. Et finalement, Augury. Ouais. Avec le troisième album, Illusive Golden Age, qui relate des histoires un peu flyées sur la société, sur tout ce qui englobe. Ouais. Faut lire Pat Loisel, ce qu'il raconte. C'est un, un tripeux d'histoire. Ouais, ben, c'est un professeur d'histoire. Historien dans l'arme en même temps. Ses textes, c'est assez flyé ce qu'il raconte. Ben, écoute, je me suis pas attardé au texte, honnêtement, mais j'ai écouté assez bien l'album. Et pour m'en faire une bonne opinion, et je dois dire honnêtement que avant, j'avais un peu de misère avec ce qu'il faisait. Mais je pense qu'ils sont vraiment trouvés avec cet album-là. Ben, c'est puis, excellent. Le côté progressif, il est là, c'est complètement. Mais c'est très professionnel. Oh, très, très professionnel. C'est d'un calibre facilement international. Mais si c'est pas l'album de l'année de Hurlemort, ben, il sera vraiment pas loin. Il sera pas loin. D'accord. Écoute. 19h54. Ça prendrait une pause. Ouais, on pourrait peut-être aller faire la pause tout de suite parce qu'après ça, on va revenir avec la seule présentation de la soirée. J'ai quand même une ou deux minutes à déblatérer sur ça, donc on va aller en pause tout de suite. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matin à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Bah, excellente pub. Tu l'as vraiment bien fait, celle-là. Elle est pas pire. Oui, oui, j'ai comme eu vraiment l'impression que c'était pas toi qui parlais. Ah! 19h56, je vous parle, comme je disais, la seule présentation de la soirée qui va s'intégrer avec le reste des deux autres pièces de mon bloc. Tout d'abord, on va entendre la formation montréalaise Trinity Blast avec Cotterheads Delusion, un des deux singles qui m'a été envoyé par le guitariste Fred Bergeron, sorti le 11 février dernier, de façon indépendante. Moi, honnêtement, je suis vraiment accroché sur ce band-là. Crescent, qui pour moi fait partie du top 10 indéniable là, de cette année 2018. C'est un très bon album. Egyptian Death Metal. Mais tout de suite, on parle de Skinless, formation de New York. Skinless, c'est une formation qui existe depuis 1992 et qui a repris un break en 2011-2013, quand même relativement court. Formation qui... Brutal Death Metal. Brutal, pas certain tout le temps, mais Death Metal, oui. Formation qui a l'avantage et le désavantage pour cet album d'être sur un major, c'est-à-dire Relapse. L'album s'appelle Savagery, il est paru la semaine passée. Ça? Ouais. Ouais, t'as raison. Savagery, le 11 mai. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Ben oui. Pourquoi tu dis ça? Il est paru le 11 mai. C'est ça, la semaine passée. OK. moi, je connaissais le band, mais j'avais laissé tomber un peu les dernières parutions. Et puis, ça va être juste, ah ouais, ça risque d'être intéressant. Donc, ben, en fait, il est disponible en CD et en vinyle, mais juste 1400 copies de vinyle. Ouais, fait que dépêche-toi, il n'y en a plus. C'est fini. Ah, il n'y a plus. Non. Je veux que tu te vendes la mienne? Faire un prix d'amis. Ah oui, trop gentil. Bon, c'est un album, c'est un groupe qu'on peut considérer comme étant underdog, là, définitivement. C'est un groupe qui a... Oh, c'est sûr qu'ils n'ont pas des... C'est pas un Morbid Angel, là. C'est même pas un Vader et compagnie. C'est un groupe qui a toujours persévéré, mais qui a jamais atteint le statut qui était escompté, d'après ce que je peux en voir. Il y a juste 6 albums de cette formation-là. Donc, depuis 92, ça doit pas aider, ça doit pas vraiment plaider leur cause au niveau de la popularité. C'est très peu comme sortie. Ça dépend comment tu vois ça à l'intérieur de ton band. Ben, aussi, ça dépend comment tu peux mettre d'argent dessus et le temps que tu as y consacré aussi. Ouais, c'est évidemment. Ça. Mais ça l'aide pas ta publicité d'avoir fait juste 6 albums depuis 1992. C'est indéniable, là. C'est, si demain matin, une grosse chaîne alimentaire arrêtait de faire des publicsacs, peut-être que ça nuirait à moyen terme, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un album qui est fort correct, honnêtement. Je trouve qu'il y a de bonnes choses dessus, et même de très bonnes choses. Par contre, encore une fois, je me suis heurté à une production qui est déficiente. C'est comme un grand genre de problème cette année. Il y a beaucoup de sorties de... qui sont assez attendus puis qui sortent avec des productions comme un petit peu nulles. Là. Ben, décevantes, en tout cas. Ben, aussi, on parlait de nouvel album de Aura Noir. Mm-hmm. Aura Noir, ils ont toujours sorti des albums quand même percutants, qui frappaient dur. Là, celui-là, il y a des très bons riffs, il y a des très bonnes idées, mais la production est vraiment, vraiment pas bonne. Puis ce qui est un peu bizarre, c'est que le leader du groupe, il joue dans Virus. Ouais. Virus, ils ont des productions vraiment étoffées au bout. Tu sais, des guitares clean. Pis, pourquoi... limite à une production nulle à chier. C'est parce que ça, c'est un mur. Puis peut-être que pour la majorité des gens, c'est pas un mur qui les dérange. Mais moi, en tant qu'audiophile... Ça me rebute au bout. Ah, tout à fait. Moi, ça m'éteint. Tu peux avoir les meilleurs riffs au monde. Si ta production n'est pas moindrement décente, ben, ça sort pas. C'est fini. Ben, c'est ça. En tant qu'audiophile, moi, c'est quelque chose qui me rebute, comme tu le dis, qui me fait vraiment perdre le mot de l'écoute. Puis je me dis, ben, les pièces sont peut-être bonnes à base, mais... ils viennent pas, ils sonnent pas à leur juste valeur. Non, c'est ça. Donc, cet album-là, il y a énormément de problèmes au niveau de la production de la production principalement, parce qu'on a mis vraiment les accents sur les basses moyennes et les hautes moyennes. Les hautes sont à peu près absentes. Donc, c'était tout les bas. Ah oui, puis les basses sont pas vraiment percutantes. Donc, c'est un album qui est très mid. Puis moi, là, je suis pas un triple de mid. Fait que ça vient d'y enlever énormément. Pour moi, ça y a enlevé beaucoup de charme. C'est pour ça que j'ai donné une carte de 6,5 sur 10. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous laisser le loisir d'apprécier une pièce qui est la pièce titre Savagery. C'est paru le 11 mai dernier. Après ça, on va aller écouter Crescent et Trinity Blast. Let's go. Die!

created it. I made it with my own hands from the bodies I took from grave. 20h18. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. La dernière fois! Eh oui! C'est fini après Réanimation, Sinistro, c'est moi, on raccroche nos clés USB. Non, c'est fini jusqu'à l'automne. Ben, on a mis les clés juste sur le bord de la porte. Ben oui. Je voulais ramasser plus vite. Mais d'ailleurs, voici une chose que je ne dois absolument pas oublier de mentionner, c'est que l'an dernier, pendant la pause estivale, j'avais décidé de faire des capsules hors série. Des capsules que je faisais en raison de peut-être une fois ou deux ou trois semaines. Mais c'était avec le temps qui m'était alloué, bien sûr. Et j'ai décidé de récidiver cette année. Donc, peut-être que Sinistros va embarquer avec moi. Peut-être, on verra. On verra. Mais moi, je vais faire des capsules qui vont être possiblement aux deux semaines, que je vais mettre directement en ligne sur le site de Réanimation, que vous allez pouvoir aller écouter sans problème. Mais je posterai les liens aussi sur la page Facebook. Bon. Et ce que je vais faire, ce que je me propose de faire, c'est parler d'une nouveauté. D'accompagner ça de deux ou trois pièces que j'aurais choisies, ainsi qu'une courte chronique cinéma de ce que j'aurais écouté pendant cette période-là. Donc, généralement, ça va être une capsule qui va peut-être tourner autour de... L'année dernière, je disais que c'était une capsule de 20 minutes, mais c'était jamais en bas de 40, là. Mais je vais essayer de me restreindre à 20-25 minutes pour cette année. Donc, ça va avoir lieu là à partir de plus tard. Je peux pas vous dire quand. À partir de plus tard. Oui, c'est ça. Surveillez le site réanimationad.com et dans la section podcast, vous allez les trouver facilement. On vient d'entendre la formation montréalaise de Trinity Blast avec la pièce Cotard's Delusion, qui est un single qui est paru le 11 février dernier de façon indépendante. C'est un des deux singles qui est nouvellement fait de la formation Trinity Blast. Mais avis aux membres du groupe, si vous sortez un album éventuel, pensez à nous. Oui, le message est passé depuis longtemps, inquiète-toi pas. Il y a quelques semaines, Fred Bergeron, le guitariste, m'a fait parvenir leur deuxième single, Still Left Behind, qui est vraiment très très bonne aussi. Mais bon, je suis allé avec la Mi Retro Undead, donc c'était Cotter's Illusion qui est tout aussi bonne. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ce groupe-là. Je trouve que c'est quelque chose qui est très original et très bien fait au niveau de la production. Oh, extraordinaire. C'est très beau, très beau. Oh, oui, tout à fait. Juste avant, nous avions Trinity Blast risque fort de se retrouver dans mes retenues de 2018 définitivement. Juste avant, nous avions du Caire en Égypte, l'Egyptian Death Metal Band The Crescent et la pièce Truth the Scars of Horus tirée de leur deuxième album The Order of Amenti qui est paru le 9 février dernier sur Listenable. Ça, définitivement, ça fait mon top. C'est un des meilleurs albums que j'ai entendu jusqu'à présent cette année. J'ai carrément accroché là-dessus. J'aime le genre. Tu te rappelles, à l'époque, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Mahat, Hour of Penance et compagnie. Aid, tout ça. AD, il faut le dire finalement. Hein? AD, oui. Ouais, AD, ouais. Ben, c'est dans le même style. J'aime beaucoup ça. Et définitivement, c'est un band qui fait partie de mes highlights de 2018. Alors, on a ouvert avec la présentation de la soirée qui était Skinless avec la pièce titre de cet album, Savagery, qui est paru le 11 mai dernier, leur sixième album sur Relapse. Comme je l'ai fait un peu la mention tout à l'heure, c'est un album que je trouve fort intéressant musicalement, mais un peu rebutant au niveau de la production, donc j'ai malheureusement dû lui donner une note de 6,5 sur 10, mais je vais m'amuser, pendant mes temps libres, s'il en est, à prendre l'album et à le remasteriser. Oui, définitivement, je vais l'essayer, voir si on est capable d'aller atteindre un niveau de production supplémentaire pour peut-être me permettre de l'écouter plus souvent. Petite chronique cinéma, Sinistre Rose... Si tu le permets, puis si tu le permets pas, c'est pas grave, là. Oui, Pénible Noir. Oui. Ben, après, actuellement, en salle, depuis vendredi dernier, c'est le deuxième Deadpool. Semble-t-il qu'il est excellent. Ben, moi, je suis pas sûr que ça me tente de l'essayer. Non, toi, je sais que t'as pas aimé le premier. C'est pas une question. Ce type d'humour-là, ça me rejoint juste comme pas. C'est parce que t'as comprends pas, c'est trop subtil. Oui. Mais les réponses sont très bonnes pour le deuxième chapitre de Deadpool. J'ai seulement deux trucs. Je vais commencer par celle que j'ai moins aimée, qui porte le nom de... C'est un film qui porte le nom de Cargo, qui est un film d'horreur, d'épidémie, de zombies, qui met en vedette Martin Freeman. Tu connais Martin Freeman? Bien sûr. Bon, ben, c'est le Bilbo Sackett du Hobbit. Puis il n'est pas parent avec Morgan. Non, pas du tout. Ben, c'est l'histoire de Andy qui est avec sa femme. C'est l'épidémie déjà commencée. C'est très post-apocalyptique. Sa petite fille de 3 ans. Je me rappelle plus de son nom. Anyway. Et ils doivent trouver un endroit pour se sécuriser. Et malheureusement, sa femme se fait mordre. Et il y a 48 heures avant que le virus entre en action. Il doit malheureusement l'achever. Et lui-même, en voulant achever sa femme, se fait mordre par elle. Donc, il sait qu'il y a un chronomètre de... Exactement, je pense, c'est 42 heures, lui. Pour mettre sa fille à l'abri. J'ai dit, bah, ça peut être intéressant. Non, pas du tout. C'est un film... Ben, ce que je dis, franchement, dans ma micro-chronique, là, parce qu'il y a quatre lignes à peine, on le sait, les épidémies de zombies ont la cote depuis un bout de temps. Les scénaristes tentent de réinventer la roue du mort-vivant et bien peu réussissent, ne serait-ce qu'à la faire tourner. Et ici, la roue ne roulait pas pour les réalisateurs Ben Holling et Yolanda Remke. Cargo est lent, long et ennuyant. Puis d'où vient le titre au juge, je sais pas. Bref, j'ai pas aimé. Par contre, ce que j'ai trouvé très divertissant, c'est la deuxième partie de la saison 3 de Lucifer. Je sais pas si ça dit quelque chose. J'ai pas écouté... Non? J'ai entendu parler, mais... Écoute, c'est une série policière, comédie fantastique. Et parfois un peu horreur, même, d'ailleurs. Il me semble que les bouts que j'ai vus, ça a l'air un peu ado, c'est bon. Ben non, en fait, regarde, ce que j'en dis, c'est que la série Lucifer ne peut pas être considérée comme de la grande série de télévision telle à Better Call Saul, Breaking Bad, Gotham ou Game of Thrones, mais elle pourrait facilement porter le qualificatif de série de grand divertissement, par contre. Parce que oui, c'est du « easy » entre guillemets « listening » de télévision, mais c'est très drôle. Et le personnage de Lucifer Morningstar, qui est interprété par Tom Ellis, qui est un acteur extraordinaire, du moins dans ça, je ne le connais pas ailleurs, juste le personnage de Lucifer Morningstar vaut la peine d'écouter la série. Donc, cette deuxième partie de cette troisième saison est tout aussi bonne que tout ce qu'on a vu auparavant, les deux dernières saisons. Par contre, il y avait une rumeur qui disait que ça pouvait se conclure ici, et j'espère que non, parce que le dernier épisode se terminerait en queue de poisson. C'est à suivre. Mais c'est très divertissant, et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Vraiment, c'est quelqu'un de très narcissique, c'est quelqu'un de très ironique, c'est quelqu'un de très très blessant, sans le savoir, mais c'est quelqu'un qui... C'est le diable. Donc, tout est pour lui et rien pour les autres. Hein? Donc, c'est vraiment très, très bien interprété. Et n'oublie pas ce sinistro, ce dicton qui dit « The devil is an Englishman ». Et c'est un Britannique. Ah. Il joue très bien. Donc, c'est un gentleman diabolique. Voilà. Très bon. Lucifer, vraiment très divertissant. On va continuer musicalement cette fois-ci après la pause publicitaire avec les deuxièmes choix de notre ami, qu'est-ce que je raconte? Sinistros. On revient. Vous dites, monseigneur? Ne dis surtout pas ouais. Le mot ami. Je m'en accuse. Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Les Aigles de Trois-Rivières désirent encourager la relève et faire bouger les jeunes. Tout au long du calendrier régulier, le gérant TJ Stanton et ses joueurs vous accueilleront lors des jours de match au stade Stéréo Plus afin de prendre part à une clinique privée d'environ 1h30. Une occasion idéale pour vivre une expérience sur le terrain avec les oiseaux et pour peaufiner vos habiletés baseball. Pour plus d'informations, composez le 819-379-0404 poste 5 ou visitez notre site web à lesaigletr.com. Jusqu'au 29 mai prochain, le Cambrilis vous invite au concours des Mardis de la Relève, présenté par Production Joshua. Dès 21h et pour un coût d'entrée de 7$, venez entendre le meilleur de la relève musicale, qu'elle soit folk, rock, alternative ou jazz. Des tirages de prix de présence auront également lieu. Ne manquez pas ce rendez-vous musical, un incontournable depuis 20 ans. Exploration. C'est fou, 89.1. Avant d'oublier, ça va prendre un sacré bout de temps avant que tu puisses leur saluer. Eh bien oui. Mais oui, Horace. Horace. On t'oubliera pas, Horace, voyons, tu le sais bien. Mais qui va venir s'occuper d'Horace? Ben. Où tu penses qu'il reste, toi? Ah. Ben Je te le demande, je sais pas. C'est pas là. Bon, OK. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que tu nous proposes? Un petit bloc bien noirci, comme je les aime. Ben oui, mais pas trop. Pas trop mal noirci. Pas trop mal noirci. C'est pas des toasts brûlés. Non. Bien. Ben quoi, il y en a qui aiment ça, les toasts brûlés. Là, mais... Ben, ça fait chanter clair, semble-t-il. Hey, c'est sûr. Hey, grand-mère! Donc, grand-mère est encore. Elle boude ça encore. Elle boude pas. Elle est en train de conspirer quelque chose. Ma grand-mère, on l'avait expliqué. Oui, mais c'est parce que je m'attendais à avoir une suite à ça, moi. Oui, mais ça sera pas de suite. Ah, OK, tu vas nous faire languir si longtemps que ça. La vieille chouette, elle parle pas. Non. OK. J'ai pas moyen. J'insisterai pas. J'ai tout sorti, Christy. Des scalpels, des drills, elle trouve ça drôle. Pas moyen à bris d'enfant. Bon, regarde. J'imagine que quand t'en vas être prête, hein? Moi, je vais y faire écouter une émission de jeunesse d'aujourd'hui, quelque chose du genre. Oh, je vais l'écouter vous aussi. Petit bloc très noirci a retenu mon attention en ce début, en cette première moitié d'année 2018. Alors, on va y aller de janvier à février, finalement. Oui, voilà. Tribulation, formation suédoise, qui est sorti leur quatrième album qui s'appelle Down Below. Down Below qui pousse le petit côté progressif encore plus loin. Mm-hmm. Puis le gros côté gothic rock, encore plus loin. Oh. Fait qu'on a un côté progressif gothic rock. Encore plus loin. Encore plus loin. Pas mal moins black metal, pas mal moins death aussi. On a beaucoup de richesse sonore dans les compositions du groupe. Beaucoup d'arrangements. C'est vraiment très bien fait. Ils sont d'arrangements comme ça. Ils sont très d'arrangements. Sont très blood, effectivement. Okay, d'accord. On va entendre la pièce Cries from the Underworld. C'est paru le 26 janvier sur Century Media. Ensuite, nous aurons un groupe de la République tchèque, plus précisément de Prague, la ville célèbre pour des compositeurs classiques. Ben oui, classique, bien sûr. Master's Hammer, qui donne dans un doom black préhistorique, hard rock et ballet jazz, ça c'est mon analyse. La pièce Linkola, parue sur l'album Fascinator, et c'est pas pareil avec Coca-Cola là. Parue sur Fascinator, qui est paru le 10 février dernier sur Jail Sound Records. Linkola, c'est en tchèque, ça veut dire Linkola. Linkola. Ah, oui. C'est le Linkola. Oui. Mais c'est comme le coke, là, Linkola. Ah, le Linkola, oui, j'avais compris. Bon, non, mais c'est parce que toi, tu peux comprendre, t'es vieux, mais... C'est un peu comme Orangina, je sais que ça, c'est... Ouais, non, t'es l'orange douce. Oui, oui, c'est ça. Yeah. Négrophobique, qui sort un nouvel album cette année, Mark of the Necrogramme et non Néogramme. Oui, Necrogramme, oui. Oui, c'est cela. Avec la pièce Sancrosanct, qui est un album quand même fort correct pour Négrophobique. Ouais, c'est correct, oui. Je l'ai bien aimé. Ils ne réinventent pas le style, mais ils restent dans une bonne vitesse de croisière. Alors, allons-y tout de suite avec Tribulation Cries from the Underworld. Let's go! We'll be right back. Ani belle gang de fous, ça. Ah oui, j'aime ça de même. Ouais, je suppose. Je suppose. Rien que t'as regardé. Nécrophobic, hein. avec la pièce Sacrosanct, qui est parue sur le nouvel album Mark of the Necrogram. C'est paru sur Century Media le 23 février. C'est vrai qu'ils réinventent pas leur propre musique, non, là, non, mais c'est vrai que c'est assez intense, oh, par contre. Master's Hammer, avec la pièce Linkola sur l'album Fascinator, qui est paru le 10 février. Sur Gyrosound Records. Et Tribulation, qui viennent d'Arvika et non Arvida. Mais quoi, que peut-être qu'Arvika, c'est peut-être un Abitibi suédois. Cries from the Underworld, qui est paru sur Down Below le 26 janvier dernier, ou également sur Century Media. L'Abitibi suédois. Qui viennent l'Abitibi suédois. Sait-on jamais. 20h47, je vous rappelle que ce vendredi, 11h, ici même à Cifou 89.1 FM, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classique avec notre ami DJ, le Rockmaster Alain Lefebvre. Donc, une émission, je crois, qui cette semaine sera dite régulière, avec les segments habituels, les groupes obscurs, albums classiques, les éphémérides et la programmation la plus éclectique. Donc, de 11h à 17h, Rock Classique. Et ce vendredi, c'est le retour. Ben, le retour, c'est bimensuel que je raconte là. Hebdomadaire de notre ami DJ Tower of Death avec sa subversive subversion. Ben, bi-hebdomadaire, puis. Non, bimensuel, c'est aux deux mois. Bimensuel, c'est aux deux mois. Bi-hebdomadaire, c'est aux deux mois. Ben, je pense. Oh, c'est ça. Des fois, faut pas que je m'arrête trop longtemps parce que je viens tout mêler avec ça. Et le blog de Sinistros, bien sûr, lemort.com, avec, vous allez voir, ces chroniques qui sont très farfelues. Et il y en invente beaucoup, mais ça paraît tout le temps vrai. Oui, c'est juste l'inventation. C'est la dernière de réanimation ce soir. On va se retrouver en septembre, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il y aura probablement des capsules hors série, raison de, justement, billes hebdomadaires. On continue avec les formations que j'ai choisies, soit Home Thorns Highly, qui est une formation d'Athènes, une formation qui, généralement, m'avait plus ou moins accroché, mais avec cet album-là, Eigen Sorrow, leur 8e, paru le 12 mars. Je connais pas ça du tout. Ben, j'ai trouvé ça fort intéressant. Void Anger. Bien sûr. Avec de Pologne, avec leur troisième album, Dark Days of the Soul, paru le 2 mars dernier sur Agonia Records. On va entendre Death Wish. Et Skeletal Remains de Californie avec Parasitic Horrors, tiré de leur troisième album également, soit Devouring Mortality, paru le 13 avril dernier sur Dark Descent. Nous conclurons avec possiblement une pièce de Sinistros, Arcona, qui est Storm. Ouais, c'est ça? Une tempête russe, Storm. Et c'est tiré de quel album? Crame. Oui, c'est quand tu mets du pain dans le micro-ondes puis tu le laisses trop longtemps. Il crame. Ça crame. Je doute qu'on ait le temps de faire plus que ça. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'on vous en souhaite pas un bon été. Non, pas du tout. Non, ça peut pas être bon sans réanimation. Non. On va se retrouver en septembre. On était gang de pluie. Mais on va se retrouver en septembre. Avec le soleil, bien sûr. Probablement, effectivement. Donc, visitez le site de réanimation AD.com pour les chroniques, bien sûr, pour ses capsules hors série, ainsi que pour la date de retour, ainsi que le site de C'est Fou, c'est fou.ca, et le site de Hurlemort, bien sûr, hurlemort.com. Allons-y avec ces dernières présentations musicales qui faisaient partie de notre mini la mi-retro undead. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. C'est you. For it, for it. Show.